بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. هذا بحث في مسألة مهمة تتعلق بالعقيدة، وهي مسألة إهداء ثواب العمل للميت. أي est-ce qu'on peut faire un عمل et offrir un ثواب أي la récompense au ميت à mort. Parmonier Ibn Ahmad al-Maghribi حفظه الله تعالى. Cours numéro 1. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا بحث في مسألة مهمة تتعلق بالعقيدة فلهذا يذكرها بعض أهل العلم في كتب العقائد كالإمام أبي جعفر الطحاوي عليه رحمة الله وهي مسألة إهداء ثواب العمل للميت أي est-ce qu'on peut faire un عمل et offrir un ثواب أي la récompense au ميت à mort. Dans notre livre ou dans notre درس de شرح الطحاوية du Cheikh صالح الفوزان حفظه الله on avait lu Kalam al-Imam Tahawi, l'explication de Cheikh al-Fawzan, et on avait dit aux frères, on allait détailler le sujet akthar fi darsin khas. Allah subhanahu wa ta'ala nas'al al-tawfiq wa s-sadaq. Qala al-Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullah fi kitabih al-Nafi' sharh al-Tahawi. Qal عند قول الإمام الطحاوي رحمه الله وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. الإمام الطحاوي لا سيت المسألة. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. أي si un vivant il invoque الله سبحانه وتعالى pour ce mort il lui demande la miséricorde, le pardon, qu'il l'élève en degré. Kadalika sadaqa, alayhi. Faire sadaqa pour lui, qala l'imam al-Tahawi, manfa'atun lil-amwat. Aïe, c'est profitable, c'est utile. Ces deux œuvres qu'il a citées, ad-du'a wa sadaqa, pour les morts. C'est un tafsil, fil ibadat. Fa'inda hadha al-qawl, al-imam ibn Abi al-Izz qal. Et son kalam al-an, il est muhim. لأنه إذا résumé la masala en quelques lignes ثم نحن بإذن الله on se base sur son قول et on détaille ما استطعنا قال رحمه الله اتفق هذا كلام ابن أبي العز اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين اتفاق أهل العلم l'unanimité des savants أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين أي deux choses qui va être profitable aux morts d'après l'unanimité des savants deux choses أي parmi les œuvres du vivant قال أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته premier cas ما تسبب إليه الميت أي ce mort c'est lui la cause C'est lui la cause de ce amal. Mathalan, il a écrit un livre. C'est lui la cause. Robama Bardanas, ils font des efforts, ils impriment ce livre, ils le propagent. Le Hajr, il revient à ce mort, les Annahu, ou à Tasabdub. Et ceux qui l'impriment, qui le propagent, qui veulent faire du bien, Kada Ali, qu'ils ont une part de Hasanat. Ça, c'est le premier cas. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عمل بني آدم إلا من ثلاث صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم نافع هذا لأن السمور سلوه السبب هذا الولد كيف يدعو له سلوه السبب هذا العلم qu'il a laissé, c'est lui le sabab. وسد صدقة جارية مثلا يكونستروي المسكي لله عز وجل, c'est lui le sabab. هذا اتفاق أهل العلم أن le mort il profite de ces choses. Ça, premier cas. Deuxième cas, أي المتفق عليه بين أهل العلم دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة والحج على نزاع فيما يصل من ثواب الحج. الآن deuxième cas, il a cité des œuvres, une personne vivante, il fait, et la récompense, le mort il en profite. تأمل الصورة, un vivant, il fait une œuvre, sa niya, c'est que la récompense, c'est pour ce mort. Le mort il profite. الآن ما تسبب في هذا. Il y a une différence entre le premier cas et le deuxième cas. Le deuxième cas, maintenant, on est vivant et on fait dua pour un mort. Maintenant, on fait dua pour Cheikh l'Islam. Allahumma arfa darajatahu fil mahdiyin. Et tu fais qu'il y a l'ilm, annahu bi'idnillah, il profite de ce dua. Wa hakada sadaqat, wa hakada al-hajj ya niza'. Il a cité le hajj, il a précisé à la niza'. Il y a un khilaf yassir fil hajj, ça y a-t-il. أما الدعاء والاستغفار, الاستغفار صفة بارتي دو الدعاء, والصدقة صاصو بالاتفاق. قال والحج على نزاع فيما يصل من ثواب الحج. فعن محمد بن الحسن من تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمهم الله قال أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة والحج للحاج, وهذا سأقول ضعيف. قول عامة أهل العلم سكسي في الحج pour ce mort, في الحج لله, لكن la récompense c'est pour ce mort. إن شاء الله la récompense du حج elle lui arrive, il est mort. On va voir les détails في هذا. محمد بن الحسن il dit là, il dit الحج c'est pour celui qui fait le حج, أما le mort il a la récompense de النفقة فقط. هذا في نظر. قال ابن أبي العز عند عامة أهل العلم ثواب الحج المحجوج عنه وهو الصحيح. نعم قول عامة أهل العلم, فصار خلاف ضعيف. الصحيح ما ذكر ابن أبي العز أن ميم لو حج سا بروفيت او مور افيك سيغتان ديتاي كون فا سيتي. قال واختلف في العبادات البدنية. الآن سكيلا سيتي سي بالاتفاق, لو حج يا خلاف يسير لا يضر. قول عامة أهل العلم أنه le mort il en profite. الآن ابن أبي العز il cite أن toutes les autres عبادات à part ce qu'il vient de citer الآن ما تسبب فيه الميت, et deuxième cas الدعاء والاستغفار والصدقة والحج, ça c'est بالاتفاق. الحج يا خلاف يسير on a dit c'est قول عامة أهل العلم. الآن toutes les autres عبادات, une personne il veut faire salat et il veut que la récompense elle soit pour un mort, il fait dhikr, il lit le Coran, tout ça, est-ce que le mort il va profiter amla. Qala ibn Abi al-Izz wa ikhtalifa fi al-ibadat al-badaniyya ka-sawm wa as-salat wa qira'at al-Quran wa adh-dhikr wa dhahaba ba'd ahl al-bid'ah min ahl al-kalam ila adam wusul shay. Premièrement, الآن أن العلماء اختلفوا les autres عبادات. Et c'est notre sujet l'un qu'on va détailler. On va détailler ce point. Est-ce que As-Sawab, c'est que le mort il profite de ce ibadat amla? Ça on verra au fur et à mesure de notre bahs. Kadhalik, ici une autre mas'ala. Anna ba'd ahl al-bid'a, ils ont renié complètement hada. Anna le mort il profite de rien, même pas de dua. Hada c'est un qawl aïd. C'est un qawl ahl al-bid'a wa al-dhalal. Hatta si tu fais dua pour lui, Allahumma ghfirlah, Allahumma arhamhu, pour eux, ils ne profitent pas. هذا c'est un قول بعيد. Ça c'est قول أهل البدع. قال وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة لا الدعاء ولا غيره وقولهم مردود بالكتاب والسنة. Ça c'est un قول بعيد. لأنهم ils ont rejeté des أدلة واضحة qu'on va citer الآن. كلام أبي العز الآن il est مهم. Vous avez remarqué là, il a résumé la مسألة. الآن il manque plus qu'à détailler certains points. أولا la première مسألة في هذا البحث, ما هي الأعمال التي ينتفع بها الميت؟ On va citer بالتفصيل. Nabil Aziz nous a donné une image. Maintenant, on va détailler. Il y a des a'mal, il y a un tafir avec le mayit. Il en profite ce musulman qui est mort. Qala l'imam Mohamed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah. Famin dhalik. Aïe, c'est a'mal dont le mort il va profiter. Awalan, qal ad-du'a. وهذا تقدم معنا من كلام نبي العز أنه متفق عليه بين أهل العلم. قال فإن المدعو له ينتفع به أي بالدعاء بنص القرآن الكريم والسنة وإجماع المسلمين أي لعله من أهل السنة لأن أن بعض الناس خالفوا من أهل البدع المعتزلة فالإجماع ثابت عند أهل السنة. قال الله تعالى قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولا شك أن المؤمنين والمؤمنات سانغلوب الأحياء والأموات. لأن parmi les croyants les croyantes il y a des vivants et il y a des morts. الله سبحانه وتعالى il ordonne ou il a ordonné le prophète صلى الله عليه وسلم واستغفر. Il demande pardon pour toi et pour les mu'minis, vivants ou morts. قال وقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا النص واضح. Ceux qui sont venus après parmi les croyants, ils demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour les croyants qui étaient avant eux, ceux qui sont morts, les générations qui étaient avant eux. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اللهم اغفر لي ابي سلمة وارفع درجته في المهديين. Beaucoup de dua النبي صلى الله عليه وسلم il a fait pour les mu'minis. Et parmi ces dua sont dua qu'il a fait عليه الصلاة والسلام pour Abu Salam رضي الله عنه. Il est mort, le Nabi صلى الله عليه وسلم il a fait dua pour lui. اللهم اغفر لي ابي سلمة. Ça c'est un نص واضح. Donc premièrement, le dua. Le mayyit yantafi bi dua bil ijma'. Deuxième amal, le sadaqa. Dans le Sahih al-Bukhari, عن عائشة رضي الله عنها, أن رجلا قال, un homme, il est venu voir le prophète sallam et il a dit, inna ummi افتلتت نفسها أي ماتت وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم نعم. Cet homme à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم il a perdu sa mère et il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم est-ce qu'il peut faire sadaqa pour elle, لأنها si elle serait vivante elle aurait fait sadaqa. Là, c'est son fils. Il connaît sa mère. Et il a informé Nabi Sansan, si elle serait vivante, elle aurait fait des sadaqas. Cet homme, il a demandé, Ya Rasulallah, est-ce que je peux faire sadaqa pour elle? Et Nabi Sansan, il lui a dit, non. Ça montre, la sadaqa à l'al-mayyit, tamfa'u. Ça, c'est bien l'ijma'a, kadalik. Et de cette bab, kadalik, qada'u d-dayn. Qada'u d-dayn. Aïe. Si un musulman parmi les musulmans il meurt et il avait des dettes à payer, il n'a pas pu les payer, il est mort. فهذا يقضى عنه. قال الإمام ابن العز رحمه الله في شرحه للطحاوية وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت. فسبب الإجماع كذلك. ça في الحقيقة c'est pas un عمل ou tu vas offrir tes hasanat là. Hada fi al-haqiqa c'est un day, il est fi dhimmat hada al-mayyit. Il avait une dette et il est mort et cette dette elle est toujours présente. Fi al-haqiqa ce musulman il aide son frère et il paye sa dette. Il paye la dette de ce musulman et bi idnillah cette dette elle est effacée. Qala walau kana min ajnabi wa min ghayri tarikatihi. Naam. Voilà, ou si c'est une personne qui n'est pas un de ses proches, il paye cette dette, يسقط هذا الدين من الذمة كذلك من غير تركته ولو c'est avec autre que l'argent qu'il a délaissé. مثلا انت تعرف كمسلم الى une dette il est mort personne a payé cette dette انت avec ton argent tu payes cette dette فبإذن الله ينفع الله سبحانه وتعالى lui efface cette dette يوم القيامة il a plus de dette à rendre à فلان. Ça c'est بالإجماع كذلك قضاء الدين كذلك من هذا الباب النذر un musulman il a fait un vœu c'est ça le nadr il a fait un vœu que si il se passe telle chose il fait 3 jours de siyam qadar Allah annahu il meurt avant il a fait un nadr 3 jours à jeûner هذا النذر ça ressemble au deyn c'est comme s'il avait un deyn عليه une dette هذا الحال يقضى عنه قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد بن عبادة الصحابي الجليل إلى دمده بخفت عليه الصلاة والسلام إن أمي ماتت عليها نذر أي إلى دمده بخفت صلى الله عليه وسلم سمع غالي مخت على بفان نذر أنذو فقال أقضيه عنها أي est-ce que le nadr qu'elle a pas pu faire je l'accomplis أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم اقضي عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم accomplis ce vœu qu'elle a fait pour elle الحديث on a dit في صحيح البخاري كذلك وعليكم السلام الحج عن غيره كذلك الحج On a dit هذا سبيل الجماع et on a dit un خلاف يسير لا يضر أما قول عامة للعلم أنه ينفع On a dit الحج عن غيره on a pas dit عن الميت لأن الحج ça peut être عن ميت مثلا ton père c'est un musulman il est mort il a pas fait le حج أنت tu fais الحج bien sûr si tu as fait le hajj comme on va voir si tu as fait ton hajj obligatoire انت ثم الله يسر لك tu peux refaire une deuxième fois le hajj ففي هذا الحال tu as le droit de le faire avec la niya que c'est pour ton père هذا يجوز كذلك يجوز si ton père il est vivant لكن il n'a pas le قدره d'aller au hajj اما il est vieux il peut plus se déplacer اما il est malade une maladie grave il peut pas se déplacer كذلك ففي هذا الحال يجوز c'est pour ça qu'on a dit الحج عن الغير on n'a pas dit الحج عن الميت حتى ça englobe les deux cas ومن الأدلة على هذا حديث ابن عباس في الصحيحين رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه هذا دليل أنه إلي فيفا الآن لكن سان شيخ كبير لا يثبت على الراحلة تعلمون أن في ذلك الزمن ربما لا ديستانس حتى من المدينة إلى مكة pour faire le حج c'est un mois ربما un mois de route sur des montures هذا الشيخ الكبير sa fille elle a informé أنه il peut pas supporter le voyage elle a demandé au prophète عليه الصلاة والسلام est-ce que je peux faire le حج pour lui et en son nom الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم à notre époque نفس الشيء بالطائرات ce problème كذلك il est rencontré de nos jours avec les avions ربما une personne âgée ou autre il a une maladie il ne peut pas prendre l'avion le docteur il lui déconseille il ne peut pas ففي هذا الحال il ne peut pas faire le حج le voyage il est obligé de prendre l'avion ففي هذا الحال un de ses proches il fait le حج pour lui et بإذن الله ينفع même s'il est vivant s'il est mort من باب أولى وسيأتي الدليل قال وفي صحيح البخاري أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت. Le deuxième dalil c'est pour le mort. Le premier dalil c'est pour le vivant qui a l'incapacité de faire le hajj. Les deux hadiths sont dans le Bukhari. قالت حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم. Sa mère elle est morte, elle n'a pas fait le hajj. Cette fille, la fille de cette musulmane, elle demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que je peux faire le hajj en son nom? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit na'am. Hajj anha, ara'aiti law kana ala ummik daynun, akunti qadiyatihi anha, uqdullah, fallahu ahakku bil wafa. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé le hajj, c'est comme s'il avait une dette. Le hajj c'est obligatoire, il est fait dhimma. Celui qui n'a pas fait le hajj, c'est comme s'il avait une dette. Parce que son enfant, comme ou un proche, comme il paye la dette maintenant que son père il a laissé, كذلك, il a accompli le hajj. Wa alaykum salam, an hadha al-mayyit. كذلك, hadith ibn Abbas al-akhir, fihi dalil ala qada al-dayn, qu'on a cité. Hada wadih. Al-an, il y a des masail fil hajj. Muhimma. Al-an, à ce niveau, on est arrivé à un musulman, il peut faire le hajj pour un musulman qui est mort. Mas'ala, ou fa'ida, anna man mat, wa alayhi hajj wajib. On va voir la mas'ala, elle est fait le hajj wajib, l'an c'est ça qui est manzila tadday. Amma tatawwu', c'est pas obligatoire. Tatawwu', c'est ce musulman, il a fait le hajj obligatoire. Est-ce qu'on peut faire des nawafil le hajj pour lui? Ça, c'est une autre mas'ala. Al-an, nahnu fi al-wajib. Celui qui meurt min al-muslimin et il n'a pas fait le hajj al-wajib, on a dit, un de ses proches, il fait le hajj pour lui. Wal-wajib, an yuhajj anhu min malihi kamilan. S'il a délaissé du mal, ce mort, ce muslim, il est mort et il a de l'argent, un de ses proches fait le hajj avec son argent. Et un al-wajib alayhi, c'était de faire le hajj avec son argent. Un muslim, il fait le hajj avec son argent. L'argent de ce mort. S'il a de l'argent. Wa hadha qabl ikhraj al-wasiyya. Ça, c'est avant. Il y en a ce mort, Rabbama, il a laissé 5000 euros. Il est mort, il avait 5000 euros. Rabbama, il a fait des wasiyya. Donner 1000 euros à Fulan, avec cet argent, faites telle chose. Avant d'appliquer son testament, on prend de l'argent, awalan, pour faire le hajj. Il y en a le hajj, c'est un rukn min arkan al-islam, c'est wajib. Awalan, on prend une partie du mal, et un de ses proches fait le hajj avec son mal. Tout mal le reste, al-wasiyya, كذلك l'héritage. لكن قبل ذلك avant الوصية قسمة التركة أي الهرتاج فأون prend une partie de l'argent pour le حج لأن الحج c'est un ركن من أركان الإسلام. أما s'il n'a pas d'argent, s'il n'a pas d'argent, un de ses proches il fait le حج pour lui avec son argent. S'il n'a pas d'argent, la personne يحتسب et il fait le حج avec son propre argent pour ce proche, son père ou sa mère ou autre. Ils ont un haq. Ils ont un haq azi. À la personne, là, il peut relever à d'al-janib. Abadé. Hada, c'est min al-bir. Ma balouk, ce père ou cette mère qui t'a éduqué, min al-muslimin, bien sûr, qui t'a éduqué et qui a patienté, ils ont un haq sur toi. Fa anta, min hadi al-hukouk, c'est que s'il meurt, il a une refla. Il a eu un taqsir. Il n'a pas fait le hajj. Anta bi'idna Allah azza wa jal tubir walidayk. Ça c'est parmi le bir. Et tu fais le hajj pour lui. Wa insha'Allah yanfa'uhu jiddan. Mas'ala par rapport au hajj. Hal yushtarat fi man yahuj an ghayrihi an yakun qad hajj an nafsih. Ça c'est une mas'ala muhimma fi le bir. Est-ce que celui qui fait le hajj pour son proche, est-ce que c'est une condition qu'il a fait le hajj lui-même? Elle est obligatoire. Matalan, un frère, son père, il est mort, il n'a pas fait le hajj. Et lui-même, il n'a pas fait le hajj. Obligatoire. Est-ce que il fait le hajj pour son père? Ou il fait le hajj pour lui avant? Ali ibn Abbas, radiyallahu anhu, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, sami'a rajulan yaqul labbayka an shubramah. Shubrama, c'est une personne. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait le hajj, il a entendu un sahabi dire hadha al-kalam. Labbaik an shubrama. Et quand ils étaient au miqat, ils voulaient se mettre en état d'ihram, il a dit labbaik an shubrama. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man shubrama. C'est qui shubrama hadha? Al-Sahabi قال akhun li aw qarib. C'est mon frère, ou c'est un proche. قال صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك الى جاسو صحابي اسكت في الحج عن نفسك قال لا صحابي لا دي لا je pas fait le hajj an nafsi. Vous avez compris ce sourat الان. Il voulait faire le hajj pour Shubrama, son frère. النبي صلى الله عليه وسلم lui a demandé est-ce que tu as fait le hajj pour toi اولا. Il a dit là, il lui a dit fais le hajj pour toi. قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن Shubrama. Fais le hajj pour toi. Et ensuite, l'année prochaine, quand Allah te facilite, tu fais le hajj pour Shubram. Hada al-dalil, ou hada al-hadith, al-hafid ibn Hajar, rahimahullah, fil bulugh, قال رواه Abu Dawud, wa ibn Majah, wa sahahu ibn Hibban, wa al-raji' عند Ahmed waqfu. Al-ulama akhtalafu, est-ce que le hadith il est marfou' عن النبي صلى الله عليه وسلم, ou il est mawquf, c'est le fatwa d'Ibn Abbas. Al-ulama akhtalafu. الإمام أحمد لا رجح أنه إلى موقوف والذي يظهر سس الصحيح أن سحديث لموقوف كما بين أخونا ابن حزام في تحقيقه على بلوغ المرام إلى دتاي هذا إلى كونكلو أنه إلى موقوف الذي يظهر سهذا كلي موقوف. على كل حال العلماء اختلفوا الآن par rapport à ce hadith. Al-ulama qui pensent que le hadith est sahih marfou, ils ont dit la boud que celui qui fait le hajj pour un proche, il a déjà fait le hajj al-nafsi, obligatoire. S'il n'a pas fait le hajj, il fait le hajj pour personne, tant qu'il n'a pas fait le hajj pour lui-même. Ça, c'est un qawm. Ils se sont basés sur ce hadith, il est sahih pour eux marfou. Les autres savants qu'on dit, qu'Al-Imam Ahmed, rahimahullah, que le hadith il est mawquf, c'est une fatwa d'Ibn Abbas, radiyallahu anhu. والذي يظهر أنك ابن عباس بخصر لا خالف في هذه المسألة. على كل حال الأحوط لأنه يا خلاف واسع في هذا الأحوط والأولى c'est que la personne il fait pas le hajj pour un proche tant qu'il a pas fait le hajj lui-même. هذا si le hadith il est ثابت c'est une حجة. Si c'est une fatwa d'Ibn Abbas الله أعلم بخصر لا خالف. الأحوط c'est de respecter هذه الفتوى de pas faire le hajj pour quelqu'un إلا si t'as fait le hajj à nafsik. Celui qui n'a pas fait le hajj pour lui-même, il fait déjà le hajj pour lui-même. قال الشيخ ابن تيميه رحمه الله نقول لا شك ان الاولى والاليق ان لا يكون نائبا عن غيره فيما هو فرض عليه حتى يؤدي فرضه اولا. فهذا قول الشيخ ابن تيميه لانه الى سيد الخلاف il a cité le khilaf, thumma, il a montré que pour sortir de ce khilaf, al-ahwat, c'est que tu fais le hajj pour personne tant que tu n'as pas fait le hajj pour toi-même. Li'anna rubbama, tu fais le hajj, maintenant une personne, il n'a pas fait le hajj pour lui-même, il fait le hajj pour son père. Rubbama, l'année d'après, il veut faire le hajj pour lui-même, il meurt, qaddar Allah. Il n'a pas fait le hajj pour lui-même, alors que le wajib, c'est qu'il fait le hajj pour lui-même. Et son père, il devait faire le hajj pour lui. Amma, le fait de faire le hajj pour ton frère, c'est minbab l'ihsan. Lakin, après avoir fait ton wajib. Al-sahih, alladhi yadhar, c'est que la personne, il ne fait pas le hajj an ghayri tant qu'il n'a pas fait le hajj pour lui-même. Qala, sawa'un saha hadha al-hadith marfou'an ou saha mawqoufan. Il est sahih, ala kulli hal. Lakin, est-ce qu'il est mawqouf? C'est une fatwa d'Ibn Abbas. Ou, c'est vraiment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a entendu cette personne et qui lui a montré. Il y a un khilaf فيها. Dans les deux cas, قال فإن النص يقتضي أن يقدم الإنسان نفسه على غيره لعموم ابدأ بنفسك ونفسك أحق من غيرك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت en tant que مخلوق لابد تتعبد الله عز وجل بهذه الشعيرة العظيمة الحج. أما الغص من باب الإحسان هذا si t'as la قدرة t'as la capacité طيب. أما faire passer cela avant ton obligation الذي يظهر c'est que c'est pas القول الصواب والله تعالى أعلم. هذه المسألة المهمة. كثير من الناس يدمون سوت مسألة. كثير من الناس يدمون. Est-ce que j'ai pas fait le hajj? Je peux faire le hajj pour mon père, pour mon grand-père, pour ma mère, pour ma grand-mère. أنت الآن تدعو رابط في هذا. أنا la personne il commence par lui-même. حج عن نفسك ثم عن شبرنا. قال كذلك الإمام سفيان الثوري رحمه الله قال إن كان يقدر على الحج عن نفسه حج عن نفسه. Si la personne il peut faire le hajj عن نفسه il fait le hajj عن نفسه. قال وإن لم يقدر على الحج عن نفسه حج عن غيره. Ça c'est une faïda. Tu peux avoir un cas, tu veux faire le hajj pour toi, Léana, tu n'as pas fait ton obligation. Qadar Allah, tu n'as pas d'argent. Une personne, il vient, il t'offre de l'argent, il te dit, tu fais le hajj pour Foulan, pour ton oncle, pour ton père, pour ta mère. Fais Adel Hal Yadouf. Léana, anta aslan, le hajj n'est pas wajib alayk. Vous avez vu la différence avec la première sourate? Amma, la première sourate, il est obligatoire pour toi. Tu n'as pas le droit de délaisser ton obligation pour un autre. Amma, via Adel Hal, t'es bi manzilat le faqir, celui qui n'a pas la capacité. Enfin, le faire pour un autre, tayyib. Voilà. Celui qui n'a pas la capacité. Ouahid, il vient et lui dit, tu fais le hajj pour ton père, ou pour ta mère, ou pour ton frère qui est mort. Bah, anta, tu prends Adel Mal et tu fais le hajj pour. Et le jour où Allah, il t'yassar, il t'offre de l'argent et tu peux faire le hajj pour toi-même, tu le fais. Voilà, qu'on le fait. Ce qu'on, il ne contredit pas le qawl d'abord. La surah elle est différente. Le premier il a le qudra, le deuxième il n'a pas le qudra. قال أخونا الشيخ بن حزام وفقه الله فإذا كان قادرا على أن يحج على نفسه ولم يكن قد حج فلا يجوز له أن ينوب عن غيره بذلك العام لوجوب الحج عليه على الفور. نعم هذا سن بخسيزيون الشيخ حفظه الله أنه سيبفر الحج عن نفسه في ذلك العام. Il est obligé de faire le hajj pour lui. Léana, s'il fait pour un autre, al-sahih, c'est que le hajj, il est wajib ala al-fawr, le plus rapidement possible. Et s'il le fait pour un autre, il délaisse cette obligation. Hala wadih. Al-mas'ala al-rabi'a, ou le quatrième amal que la personne il peut faire pour le mayyit, الصيام الصيام عن الميت. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. حديث المشهور اللي معروف من مات وعليه صوم صام عنه وليه. Celui qui meurt et il avait un siyam à faire, أي obligatoire, un de ses proches. Ça peut être son père, ça peut être son fils, ça peut être son frère, ça peut être sa soeur, ça peut être son nom. Al-Muhim, Ahad, Al-Aqarib, il faut se souvenir pour lui. Qal al-Imam, Abd al-Aziz ibn Baz, alayhi rahmatullah, Amma al-Siyam. إذا كان عليه صوم يصام عنه مات وعليه صيام بأن فرط عليه صيام ولم يصم يصوم عنه أولياؤه. إلى مي إن بخسجي هنا لمهمة. قال بأن فرط. On va voir que cette précision est mohima. Fi kalami. Nakmil, tout le monde explique. Qala yassum anu awliya'uhu, kama qala nabi sallallahu alayhi wa sallam, man matu alayhi siyam, sama anu waliyu. Fa yassumu anu waladuh, min dhakarin au untha, au zawjatuh, au ghayruhuma min qarabatuh. Imma son fils, imma sa fille, imma sa femme, son oncle. Al mohim, un de ses proches. Yassumu anu. Un muslim il meurt, matalan, et il avait fait un nadr. Ou il a manqué siyam. Il a manqué le siyam, maintenant, 3 jours de Ramadan. Farrat, avec cette précision. Farrat, ça veut dire, Anahu, il pouvait faire siyam. Il était en bonne santé. Il était capable de le faire, lakin, il a eu un taqsir. Il n'a pas fait le siyam pendant 3 jours. C'est un hasi. Yad al-Hal, Anta, tu fais le siyam pour lui. On va voir, Anna, ghayr al-mufrid, tu ne fais pas le siyam, Anna, il est excusé. Maintenant, ton père, c'est un musulman. La dernière année de sa vie, il n'a pas fait siyam Ramadan. Léanaou, il était malade. Cette maladie, il est mort. Il lui a manqué dans sa vie 30 jours de siyam. Tu ne les rattrapes pas. Léanaou, il est excusé, il était malade. Il était excusé. Si il aurait été guéri, il les aurait rattrapés lui-même. Lakin il est mort, mais idnillah, il avait une excuse. La personne, il n'a pas besoin de rattraper. Amma, il n'avait aucune excuse. Et il a eu un tafrid, il a un deyn. C'est comme si c'était une dette. Mais idnillah, tu les rattrapes pour lui. Hada al farq entre man farra, wa man lam yahsul minhu tafrid. Qala, hada tayyib yunfa al mayyit. Naam. Parmi les buts de cette kalima, أن من مات له قريب من المسلمين لا ينسى هذه الأمور. هذا من الفوائد العظيمة. لأنهم ذو حق خاصة الوالد والوالدة. ذو حق كم تعبوا معك. كذلك ton frère, كذلك ton fils, كذلك ta femme. Si tu as perdu un de ses proches, لا تنساها. أولا, est-ce qu'il a un deuil? Est-ce qu'il doit quelque chose à quelqu'un? Si tu trouves, tu rembourses. Kadalik, est-ce que son siam il l'a fait? Est-ce qu'il a fait le hajj? Tu n'oublies pas fit du'a. Ah, kada, c'est ça le birr. Amma le kuffar biyad al janib, sallallahu alayhi wa sallam. Il l'enterre, s'il l'enterre, huwa, khalas. Amma le muslim là, le birr, fil hayat, ou ba'd al mamat. Avec des choses mashrou'a, bien sûr, sans faire de bida. Kama zayat. On continue Kalam sur Ibn Baz. قال وقد سأل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع من الصوم فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أرأيتم لو كان على فلان دين أكنت قاضي عنه فالله أحق بالوفاء. Plusieurs personnes, on a vu certains hadiths au début de la kalima, plusieurs personnes ils venaient voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ils lui demandaient, ya Rasulallah, mon père il avait un siyam, ma mère elle a pas fait le siyam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam toujours il leur montrait faux siyam et il leur montrait l'exemple avec la dette. Si ton père il aurait une dette, est-ce que tu aurais remboursé? Naam, hakada siyam. Léana il a une dette envers Rabb al-Alamin. Allahu ahaq bil wafa. قال فشبهه بالدين سواء كان صوم رمضان او كفاره او نذر كله يصام عنه على الصحيح. يا خلاف يا هذا. Est-ce que c'est réservé pour nadr ou kafara ou c'est réservé pour ramadan ou ça englobe tout? Les ulama ils se sont appuyés sur un hadith al-nadr et ils ont démontré que c'était que pour nadr. Maintenant s'il meurt et il n'a pas fait une partie de ramadan, tu ne rattrapes pas. عندهم. لكن الصحيح c'est قول شيخ ابن باز انه chaque siyam wajib c'est englobé par قوله من مات وعليه صوم صام عنه ولي. لان الصوم il est nakira. يفيد العموم. L'essentiel c'est que c'est un siyam wajib. Ça peut être une kafara. مثلا un muslim il a eu des rapports avec sa femme pendant ramadan, là يجوز. Si il était parmi les personnes qui faisaient le siyam, il n'était pas en voyage, il n'était pas malade. في هذا الحال s'il a des rapports, il doit faire deux mois de jeûne consécutif. Qadar Allah, il meurt. Il fait matalan, il commence la première semaine, la deuxième semaine, il meurt. Hada il a une kafara, il est wajib alayh. Une personne de sa famille finit, en plusieurs. Kadalik, al-nadr. Une personne, un musulman, il fait un vœu. Mais idnillah, ce mois-ci, je fais un vœu, je jeûne trois jours pour Allah Azza wa Jal. C'est wajib alayh. L'année, il a fait un nadr. Le vœu, c'est wajib de le respecter. Quand il meurt, un de ses proches, il fait les trois jours pour lui. Kadalik Ramadan, c'est wajib. Rukn min arkan l'islam. Tout ça, ça rentre fi qawlillah, ou fi qawlil rasul sallam, man mat wa alayhi sawmun. Ça englobe le kafara, ça englobe le nadr, et ça englobe le siyam Ramadan. Amma tatawwa, voilà. Comme ça y a-t-il à la sahiha tatawwa. الشيخ بن باز وقال بعض أهل العلم إنما يصام عنه النذر خاصة وبعض أهل العلم ils ont spécifié الصيام pour le nadr لأن il y a beaucoup de hadith qui sont venus dans le nadr لكن on a هذا الحديث حديث عائشة من مات وعليه صوم صوم صوم قلب النذر وغير النذر tant qu'il est obligatoire. C'est ça que النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه أي في ذمته ça montre الوجوب. أما النافلة c'est pas عليك. Si tu veux tu fais, si tu veux tu fais pas de نوافل. لكن هذا القول ضعيف. نعم قول كلا رجح شيخ بن باز كسون قلب طول الصيام واجب إلى أقرب والله أعلم. قال والأحاديث الصحيحة تدل على خلافه. الأحاديث الصحيحة دالة على أنه يصام عنه حتى رمضان. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أخرجه الشيخان في الصحيحين وفي الصحيح عن عدة من الصحابة أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن فلان مات وعليه صوم شهر وبعضهم قال صوم شهرين أنا صوم عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم عنه. فشبهه بالدين ولم يستفصل هل هو رمضان هل هو كفارة هل هو نذر. فسي فائدة كذلك. Un certain nombre de personnes venaient à Nabi sallallahu alayhi wa sallam et lui disaient: Ya Rasulallah, mon père il est mort et il avait 10 jours de jeûne à jeûner. Al Nabi sallallahu alayhi wa sallam il disait pas: est-ce que c'est min siyam Ramadan? Est-ce que c'est nadr? Est-ce que c'est kafara? Non. Al Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a laissé sur l'umoum ou le laisse sur l'umoum. Tant que c'est un somme wajib. C'est ça l'istidlal. Min Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il est qawi. Il renforce la vie qu'il a radjah et c'est sahih. Qala fi shabbahu bid-dayn wa lam yastafsil. هل هو رمضان هل هو كفارة هل هو نذر فذلك على الأمر عام فذلك على أن الأمر عام نعم هذا صوم عن سعام سأغلب تود الصيام واجب قال رحمه الله في نساء بغل أما إذا كان الميت ما فرط يعني مات في مرضه فهذا لا يصوم عليه عند عامة أهل العلم عند جمهور أهل العلم يا خلاف لكن الصواب ما ذكر لأنه الصيام لبف في الذمة On a donné l'exemple du malade. Le malade, pour lui, c'est un, c'est pas un dain. S'il n'a pas pu le rattraper, il n'avait pas le temps. Les annahu, quand il est mort, le siyam, ce n'était pas wajib pour lui. Dans ce cas, on ne rattrape pas. C'est le sahih. Les annahu, il a fait ressembler le siyam avec le dain. Mais dans ce cas, il n'a pas de dain, il n'a pas de siyam. Contrairement au premier cas, il avait la capacité, il était mufrid. Yusam, c'est ça le qawm sahih. Allahu alam. يقطع عنه الصوم ولا يطعم عنه لأنه غير مفرط معذور نعم إلى معذور عند الله في هذا الحال ونغطخب غير طول مسألة هل يجوز صوم التطوع وإهداء الثواب للميت الآن صوم الواجب الصحيح سيكون pour un mort un مسلم بقي صوم التطوع قال العلامة ابن باز رحمه الله فالأولى للمؤمن أن يترك ذلك ولا يقرأ للموتى ولا للأحياء ولا يصلي لهم وهكذا تطوع بالصوم عنهم لأن ذلك كله لا دليل عليه التطوع يا أوكان دليل الأدلة sont venues pour الوجوب من مات وعليه صوم أي واجب صام عنه ولي أما التطوع فلا يجوز واحد مثلا في الصيام جودي اليوم sa récompense c'est pour son père qui est mort مسلم لا Et c'est ça le bahd qu'on fera le prochain dars. On finira cette kalima et on va détailler hada. Est-ce que tu peux offrir at-tawab lil mayyit hors de ces ibadat qu'on a cité là? Mas'ala ukhra wa hiya hal yushra'. Alors on a fini les ibadat. On a fini, on a cité, on les résume. Ad-du'a tanfa' al mayyit si c'est un muslim. الصدقة الحج هنا ستة ديتاي والصيام على الصحيح الآن est-ce que pour ces عبادات c'est une condition que celui qui fait cette عبادة pour ce mort est-ce que c'est une condition que ça soit un قريب مثلا أنا je fais le حج pour ton père Ton père, je ne le connais pas. Ce n'est pas un qarib, lui. Mais je fais le hajj pour lui. Hal yujzi am labud min qarib. Beaucoup des hadiths qu'on a vus, c'est citer le qarib. Hajj an abik, hajj an ummik, aqdi an. Tout ça, c'est pour les proches. C'est là où il va faire la dan, صح? On finira le prochain dars. Bismillah. Mas'ala, les muhimmah. Adil mas'ala, le rapport avec l'aqidah. Et vous allez voir que le prochain dars... que Ahl al-Bida' ils ont ouvert un bab kabir par rapport à ça hatta ils ont fait des ibadat et ils ont exagéré sur les morts alabud talib al-ilm il comprend mitla hadi al-masail khasatan ana al-khilaf il est wasi' comme on va voir la prochaine kalima talib al-ilm yadhbat mitla hadi al-masail c'est muhim jiddan et si tu comprends ces masail ça va t'ouvrir les portes à beaucoup de choses kathir min as'ilat al-awam c'est autour de ça Est-ce que je peux faire le hajj? Est-ce que je peux faire le siyam? Est-ce que je peux faire le salat? Est-ce que je peux lire le Coran pour un mort? Est-ce que si tu as compris l'idnella cette kalima, ça te facilitera beaucoup de choses. Nassallah subhanahu wa ta'ala tawfiq lil jami' man 'indahu shay yatafaddal ce qu'on a cité wa illa naqif huna. Subhanak allahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ma'a tahiyyati dammaj afaq.com